vous êtes bien sur RIG, j'espère que tout se passe bien. On se remet de nos émotions, je pense qu'on va en parler quand même durant la soirée. Il est 20h sur RIG. Et ça ne passe pas. Ah, pourquoi ça ne passe pas? RIG, ça y est. Ne cherchez plus, c'est 90.7. C'est là. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis Thierry Gallet et je suis ravi de faire une nouvelle émission de la saga des Fab Four avec vous, cette saga des Fab Four qui est consacrée à un dieu vivant, un gars qui nous a enchanté il y a seulement deux soirs de ça, il s'appelle Paul McCartney, il a bientôt 74 ans, il a fait un show extraordinaire, j'ai l'impression, je vais tenter de le dire là, qu'il est de mieux en mieux. Au niveau du show. Souhaitons-lui encore des années, souhaitons-lui de revenir nous voir à Paris. L'idéal, ce serait de venir à Bordeaux. Ça, ce serait vraiment une très très bonne idée. Et merci en tout cas, Paul McCartney, tu nous as enchantés. Je vous ai préparé 2 heures de Paul McCartney. Un best-of que j'ai intitulé Mon premier best-of parce que sortir 30 chansons de McCartney sur sa période 70-2016, c'est beaucoup trop court, c'est beaucoup trop difficile. Donc, avant la fin de la saison de la saga, on en fera une deuxième, un deuxième best-of. Et avec des chansons totalement différentes, forcément. 30 autres chansons, et peut-être pas un troisième parce que je veux pas... Hein ? On verra. Allez, je vous donne les 5 premiers, comme ça. Il y aura... Non, je vais vous les donner dans le désordre. Non, je vais pas tout vous dire. Il y aura With a Little Luck, forcément. Il y aura So Glad to See You Here. Paul McCartney chante So Glad to See You Here en entrée de concert. Ce serait une tuerie. Ce serait fantastique. On adorerait ça. Il y aura Ben on the Run. Il y aura Keep Undercover. Il y aura Magneto and Titanium Man. Et plein d'autres chansons. Alors, pas en live. Des versions studio seulement, mais extraits de ses albums entre 1970 et 2013, le dernier album en date de l'album New. Voilà, pour le reste, eh bien, vous nous retrouvez sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Vous nous retrouvez sur macaclub.com, dans la case également, La Saga des Fab Four, sur Twitter, avec le hashtag Saga Fab Four. Et puis, eh bien, on se retrouve sur Periscope aussi. Hein ? Cherchez-moi et vous allez me trouver sur Twitter. Allez, c'est parti. Voici le premier titre. On règle le tuneur. Vous savez ? 1979. Bonne soirée à vous tous et toutes. What did you do when you were made deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently had been doing something pretty desperate. Time on my hands. Now I don't have to tell anybody. I wanna go bury my head in your pillow. C'est les Love Songs 1976, quelle belle chanson. À l'époque, on lui avait dit trouve pas que toi tu composes uniquement des stupides chansons d'amour. Il fait quelque part, alors c'est pas exactement le mot, mais il fait bah oui, c'est pas faux, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a de mal quoi, hein, et puis on a fait une chanson. C'est les premières paroles de cette chanson-là. C'est vraiment très, très, très, très, très bien. Et auparavant, il y avait My Brave Face en 1989 sur l'album Flowers in the Dirt. Et on lui avait dit, encore une fois, c'est très Beatles ce que tu fais là. Il s'est défendu, Paul McCartney, en disant, bah oui, c'est Beatles. Mais s'il y a des gars qui peuvent sonner Beatles, c'est quand même George Harrison, Ringo Starr, John Lennon quand il le pouvait, et puis moi, c'est si vraiment il y a des gens capables, enfin qui ont le droit de sonner Beatles, c'est bien nous quoi quand même. Et puis il avait dit aussi quelque chose qui m'avait marqué et que j'avais trouvé très très bien. Il avait dit pendant une certaine période, il a essayé de dire allez j'oublie les Beatles, je fais du Paul McCartney mais j'oublie les Beatles. Et puis après il s'est dit après tout, ce que j'ai fait au temps des Beatles, c'est aussi moi. Donc il y a pas de raison que j'en joue pas. Et puis bon, on l'a vu lundi, hein, lorsque Paul chante des chansons d'après la séparation, on adore. Et dès qu'il y a une chanson Beatles qui arrive, ça enflamme encore plus. Même si on l'a entendu 300 fois, c'est pas grave, c'est génial. Moi je vous assure, tiens je vais vous faire un petit scoop parce que vous n'étiez pas à côté de moi lundi. Lorsqu'on a chanté Hey Jude, lorsqu'il a fait vraiment durer les cœurs avec juste les hommes, juste les filles, j'ai eu la larme à l'œil. Ah oui, à mon âge. Paul chanson extraite du dernier album, I Can Bet, sur la RG. Listen to me, we can give it a try. I'll look you straight in the eye and pull you to me. What I'm gonna do next, I'll even tie it to your imagination. Do you hear me? I can bet that you'll never care. Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong. How can I help it if I don't know the song? All day I try to be a man. Help me to do it, show me the plan. I want to enjoy being alive. Don't want to leave before I arrive. I like to sing, I sing along. How can I do it if I don't know? McCartney en 1999, Try Not To Cry. Il avait fait un retour, encore une fois, à un album très très rock. Et il a incorporé dans ses chansons rock, il a incorporé des titres à lui. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'on a l'impression que c'est un vieux titre éventuellement. Try Not To Cry, c'est comme ça. C'est vraiment... Oh, c'est un génie, Paul McCartney. Je sais pas comment le dire mieux. Allez, voici l'une de mes chansons préférées de l'album London Town en 1978. C'est, sur cette chanson, il a voulu mettre en avant les synthétiseurs et ça marche très très bien. Voici With a Little Luck sur RIG. Retrouvez-nous www.rigfm.fr, sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, sur Twitter, Saga Fab Four, et sur macaclub.com. Dans le groupe La Saga des Fab Four. With a little luck, we can help it out. We can make this whole damn thing work out. With a little luck, we can lay it down. Can't you feel a town exploding? There is no end to what we can do together. There is no end to what we can do together. de parler des Beatles, enfin indirectement, puisqu'on va parler de John, de Paul, de Ringo et de George. Nous allons parler des Beatles, nous allons parler des amis des Beatles, nous allons parler également des animateurs qui font des émissions autour des Beatles, comme celle-ci que vous êtes en train d'écouter, la saga des Fab Four. Tout ça, si vous voulez tout savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, vous faites BeatlesMagazineUK.com. BeatlesMagazineUK.com. C'est Lovely Rita. Lovely Rita qui est à Londres et qui dirige le Beatles Magazine. Donc, pour vraiment, vraiment tout savoir et être renseigné tout le temps, tout le temps. Merci Lovely Rita. Et n'hésitez pas à consulter ces pages. C'est vraiment très, très, très bien. Associé à Stevie Wonder et Bonnie and Ivory sur RG. And Ivory. Je vous propose mon best-of de Paul McCartney, un premier best-of. C'est des années 70 jusqu'à 2013, le dernier album, mais tout mélangé. Voici Off the Ground sur RG pour votre plaisir. Et le mien, je l'avoue. Un spécial Paul McCartney pour cette 298e saga. Must have been a lot of heartache. You just seem so numb. You must have had it to the passion. Only answer if the answer's no. vous êtes venu au concert lundi soir, comme les 19 000 autres personnes, 19 999 autres personnes qui y étaient avec moi, eh bien, il a chanté My Valentine pour sa compagne actuelle, Nancy, et très vite, il a chanté My Love pour Linda. Et on a senti quand même qu'il, bon, il aime beaucoup Nancy, ça y a pas de problème, mais il y avait une certaine tendresse pour Linda qui était bien présente. Voici la version de l'époque, la version de l'album Red Rose Speedway sur RG. My Love. Pour nos compagnes, on va dire, ou ceux qui rêveraient d'en avoir une. It's understood, it's in the hands of my love. And my love, does it go? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. My love, does it go? And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. Cette émission de la saga des Fab Four que j'ai démarré en 1984 et qui est toujours là en 2016, j'adore ça. C'est l'interactivité qu'il y a avec vous, les internautes, c'est absolument fantastique. J'ai dit que Paul McCartney avait chanté My Love, pour Linda. Il a surtout chanté Maybe I'm Amazed pour Linda. Mais voilà, un petit peu de grosse fatigue. Et puis j'avais l'impression d'avoir entendu cette chanson-là pour Linda. C'est une erreur. Merci Sophia d'avoir corrigé en disant non, c'était Maybe I'm Amazed. Oui, c'est vrai, c'était Maybe I'm Amazed. Oh bah écoutez, on a écouté My Love et c'est bien quand même. Allez, une autre chanson, un petit peu plus... elle est marrante. Rappelez-vous, imaginez que vous preniez le métro dans les années 80, 86 d'ailleurs exactement, à Londres, et puis que vous entendez... Okay, you ready? Okay, you ready? Okay, you ready? Yes, indeed. Go for it. Press, extrait de l'album Press to Play. C'est sur RG, c'est dans la saga des Fab Four avec... Le best of McCartney. C'est une, c'est vie. Press, etc. extrait de l'album Press to Play en 1986. J'aime bien cette chanson. C'est pas un super extraordinaire chef-d'œuvre. Non, c'est juste une chanson que vous entendez, qui vous reste dans la tête et vous avez envie, si vous avez envie de faire quelque chose avec une jeune femme, vous avez envie de presser le bouton, là, de façon à ce que, voilà, ça se passe. Allez, je vous ai parlé de Maybe I'm Amazed, la chanson pour Linda. Ben là, voilà, dans sa version de 1970. Vous êtes sur RIG, c'est le Best of McCartney. I'm getting closer to your heart. dîner, j'essaie de dire bonjour à Paul, par exemple, et lui me dit... Hello, this is Paul McCartney. Oh là là. Ce serait vraiment génial d'avoir un coup de fil comme ça. Hello, this is Paul McCartney. Everything a flutter. Ooh, another lonely night. My day forever. We only got each other to blame. It's all the same to me. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. I don't want no more lonely nights. Hey, I never miss the thrill. this is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. Bavardage, place à la musique de Paul McCartney pour cette saga des Fab Four qui est consacrée à ce génie. J'adore Paul McCartney, tout le monde le sait, mais je pense que vous aussi vous adorez Paul McCartney. Alors on en profite, 2 heures de Paul McCartney sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. I know I'm in the left line, and I festival ce soir. C'est Coming Up à l'instant sous la régie 1980. L'album s'appelle McCartney 2. My Brave Face, Silly Love Song, I Can Bet, Try Not To Cry, With A Little Luck, Jet, Ben On The Run, My Love, Press, Maybe I'm Amazed, Getting Closer, No More, Lonely Night, Ben On The Run, hein, deux fois, non, je l'avais corrigé pourtant, So Glad To See You Here, 1985, Coming Up, Bebop, maintenant, j'ai cité tous les titres qui sont passés, dont un qui est une erreur sur ma fiche, mais c'est pas grave. Et c'est que du Paul McCartney ce soir pour la 298e édition sur RG de la saga des Fab Four. Fabulous Four Saga, right here on your radio with the Regale. Nous passons en 2007. J'adore cette chanson, Ever Present Past, avec un clip assez drôle de Paul McCartney sans instrument dans ses mains. C'est rare. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. There's something to find. Searching through the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. But still I hung around and took it all in. I wouldn't join in with the games that they were playing. It went by, it went by in a flash. It flew by, it flew by in a flash. Far too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has come so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. En fait, je vous avoue que quand j'ai préparé cette émission, j'ai fait ça dans l'ordre chronologique et j'ai demandé au logiciel de tout mélanger. Voici pourquoi on repasse en 1983 et ce titre, Keep Undercover sur RG. C'est l'album Pipes of Peace. Et là, il y a une ligne de basse extraordinaire. Without you by my side. What good is butter if you haven't got bread? What good is art when it hurts your head? Might as well be in bed. Keep undercover till the battle ceased. Keep out of trouble till the prisons are released. What good's a puzzle when you haven't a clue? What good is me when I'm not the two? Might as well stay in bed. Keep undercover till the clouds is here. Keep out of trouble till the weather is bright and clear. Paul McCartney here, and you're listening to Widescreen Radio. When the sky is filled up with storms and heavy rain, and troubled stars sliding across the mind, it's hard for me to see which road I've got to take. I know I need to find a way to leave it all behind. Let it shine on, let it shine. McCartney fait dans tous les styles et toujours avec bonheur. Voici, après Light From Your Lighthouse, nous revenons en 1975 sur Venus and Mars et ce titre Magneto and Titanium Man sur RG. Show fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. Quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Chanson de l'album Ram, dans laquelle Paul McCartney disait à celui qui avait laissé tomber Linda McCartney, enfin Linda, pas encore McCartney forcément, il avait dit « Tu sais pas ce que t'as raté, mon gars ». Et à l'époque, John Lennon pensait que Paul McCartney parlait de lui. Non, pas toujours, John. Non, non, là, il parlait de l'ancien mari de Linda et qu'il avait repris le crédit et qu'il était drôlement content. Hein, voilà. Et quelques années plus tard, en 2005, sur l'album Chaos and Creation in the Backyard, il nous invitait à boire une tasse de thé. Le voici, English Tea, sur RIG. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the as a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Bonsoir, je m'appelle Pascal et je prends ma voix d'hôtesse de l'air pour vous dire que j'écoute la saga depuis Bordeaux. Bonne soirée avec Thierry. Rappelez-vous de ce titre disco, mais disco très bien fait. Good Night Tonight sur RIG. Retrouvez-nous sur www.rigfm.fr. C'est tous les mercredis comme ça. Là, je parle pas beaucoup volontairement parce que j'ai envie d'entendre du Paul McCartney comme si j'en avais pas eu assez. Mais habituellement, je parle un petit peu plus quand même. Good Night Tonight. Dans l'émission, ce qui est intéressant avec Paul, c'est qu'il change de climat constamment, que ce soit à l'intérieur du disque ou dans d'autres disques. Par exemple, on passe de Good Night Tonight à Riding into Jaipur. Oh, c'est pas la même année, là c'est en 2001 sur l'album Drive in Rain, mais c'est très très bien. bientôt la fin de la saga des Fab Four. Encore 12 minutes, sans compter mon retard chronique. Mais bon, il n'entend pas, il a le casque sur les oreilles. Mais vous allez retrouver Eric et Johnny de A à Z, c'est promis, dans quelques minutes, à partir de 22h03, 4, 5. À peu près, c'est comme ça en général. Et nous avons encore 4 chansons à vous proposer. Et nous allons vous proposer une chanson. Vous savez, il a fait Yesterday, il a fait Tomorrow. Et il a fait aussi, Paul McCartney, une chanson qui s'appelle Another Day. La voici sur RG, ça date des années 70, du début, 71 même d'ailleurs. Et c'est une très belle chanson. Every day she takes a morning bath, she wets her hair. Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes. Dipping in the pocket of her raincoat. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. She posts another letter to the sound of fire. People gather around her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad. Every day she takes a morning bath, she wets her hair. Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes. Dipping in the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day. Sur son premier album, Paul McCartney nous avait proposé cette chanson, Every Night, sur RG. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out, and every day I wanna do, but tonight. just wanna stay in and be with you. And be with you. On va terminer l'émission avec une chanson douce, une chanson qui date de l'album Ram, Monkberry Moon Delight sur RG. c'est ainsi que s'achève cette émission, la 298e de la saga des Fab Four. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Entre temps, écoutez Eric, Johnny de A à Z, c'est dans quelques instants. Bisous filles, particulièrement à toi, coquine, et poignez-moi aux autres. Et à très très bientôt. Merci à Pascal d'être passé dans le studio, ça m'a fait plaisir. On a parlé évidemment du concert de Paul McCartney et d'autres choses. Et c'était très très bien. Bisous, ciao.